Vous écoutez Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade sur un plateau d'accordéonistes. C'est tous les dimanches de 10h à 11h avec Michel et ses amis accordéonistes. Une émission pour les mordus du dépliant 100% musette. Également pour les amoureux de l'accordéon. Et puis, accordéon parade, c'est le bonjour de l'accordéon. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour. Et bonjour à Loulou, à Louis Ferrari, qui va nous interpréter une passo doble. merci à Loulou pour ce passo-doble entraînant. Et avec presque passo-doble, eh bien, on va continuer avec les Tagada Pampan. Et c'est la bande à Bardet qui nous interprète ce morceau. Il est glissé, chef! Se jurait de conquérir le cœur de Ninette la blonde. Au cœur des combats, il rêvait de devenir au moins colonel pour l'éblouir. Mais voilà, la guerre était finie et l'armée, c'était pour faire joli. Dans tous les défilés, il marche le dernier, c'est le simple soldat, au pas, toujours au pas. Devant, il y a l'adjudant, lieutenant et commandant, et droit sur son cheval, le général. Mais devant, il y a les tagadagadapampam, les tagadagadapampam, les tagadagadapampam. Et devant, il y a les tagadagadapampam, la musique du régiment. Le petit soldat n'aura pas ses beaux galons pour gagner le cœur de Ninette. Travaillera plein de zèle et d'ambition pour devenir caporal clairon. Et Ninette trouva cela très bien. Les galants n'y connaissaient rien. Dans tous les défilés, qui marche le premier, c'est le petit clairon qui sonne à plein poumon. Derrière, il y a l'adjudant, lieutenant et commandant, et même sur son cheval le général. Car d'abord il y a les tagadagadapampam, les tagadagadapampam, les tagadagadapampam. Et devant il y a les tagadagadapampam, la musique du régiment. Thank you.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est toujours Accordéon Parade que vous écoutez, une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches. 9h-10h. Et on va continuer Accordéon Parade, avec une série de Paso Doble. Et c'est Jérôme Robert qui est à l'accordéon. Merci à Johnny Pécon qui vient de nous interpréter une polka de sa composition. Johnny Pécon, c'est un sympathique accordoniste qui nous vient d'Amérique. Et maintenant, on va écouter le fils de Claudine Hocher qui était accordéoniste et qui va nous interpréter un boléro. Seul dans la vie, et rien ne change la solitude. Les nuits, les jours et les week-ends sont des déserts de platitude. On croit soudain apercevoir une lueur sans certitude, et un regard vient bouleverser nos habitudes. L'amour c'est fantastique, c'est une tendre musique, un rêve magnifique, une aventure unique. L'amour c'est fantastique, c'est du soleil autour de nous, tout devient bleu et c'est magique. Charme, tout s'offre à nous quand la tristesse baisse les armes. L'amour c'est fantastique, c'est une tendre musique, un rêve magnifique, une aventure unique. L'amour c'est fantastique, c'est du soleil autour de nous, tout devient bleu et c'est magique. Merci à Baptiste Auger qui vient de nous interpréter l'amour, c'est fantastique, c'est vrai. Et bien maintenant, si on faisait un peu de twist, de twist. Pas de twist, de l'esquisse, Michel. Merci, merci à ce sympathique jeune homme qui vient nous interpréter un l'esquisse. Maintenant, nous allons retrouver les moineaux. Nous allons aller chez les moineaux avec notre ami Marceau, le grand Marceau, chez les moineaux, Monsieur Marceau. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et accordéon parade. Une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches, de 9h à 10h. Et vous savez que vous pouvez écouter Accordéon Parade sur Internet. Podcast, et vous avez l'émission en entier, toute la semaine. Et d'autres émissions, bien sûr. Savez-vous où habitent nos oiseaux, puisqu'on était chez les oiseaux il y a quelques instants, les moineaux? Eh bien, ils habitent dans le Valais, oui, dans les montagnes valaisannes. Merci à Christian Berry qui vient de nous interpréter cette valse montagne valaisanne. We'll be right back. Merci à Raoul Barbosa qui vient nous interpréter la valse à Margot. Merci à René Descibourg qui vient de nous interpréter la franc montagnarde, Monsieur René Descibourg. Thank you.

Merci à Monsieur Tino Rossi qui vient nous interpréter la Saint-Valentin. Et maintenant, c'est Danny Briand. Vous êtes toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de Sorgi FM. Et Danny Briand va nous interpréter « Quand je vois tes yeux ». Je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme, que c'est là mon drame. Car je suis sans arme, lorsque tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire. Mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Tu fais des ravages, je manque de courage pour te déclarer toute la vérité. Je prépare mes discours pour te faire la cour, mais je peux plus bouger quand tu es à mes côtés. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. La salsa, souvent je frissonne quand me vient l'idée de te rencontrer. Je n'ai pas confiance, je manque d'assurance et je fais semblant de jouer les indifférents. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. La salle. Nous avons le soleil ce dimanche matin, c'est agréable, ça sent le printemps. Eh bien, en parlant de printemps, la semaine dernière, c'est Dadou qui m'a demandé pour ses parents Rina et Jean la valse, le printemps d'Alsace par Monsieur André Verschuren. Alors, de la part de Dadou, son, leur fils, pour Rina et Jean, eh bien, nous allons valser Printemps d'Alsace. André Verschuren. Thank you. Continue les dédicaces avec Nana Mouskouri et c'est de la part de Nathalie pour Claudine et Jacqueline Anville, Nana Mouskouri. Thank you. Merci à Nana Mouskouri qui vient nous interpréter L'amour en héritage. Et c'était de la part de Nathalie pour Claudine et Jacqueline Enville. Et bien maintenant nous allons écouter Marie-Noël Curtenat. Et c'est pour un sympathique Lorrain de la Méchaille, un Méchaillant Lorrain ou un Lorrain Méchaillant, comme vous voulez, qui m'a interpellé cette semaine en me disant « Dis donc Michel, la semaine dernière tu as dit qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, et bien t'as qu'à venir chez moi, tu verrais les hirondelles que j'ai au printemps. » Alors on va lui dédicacer ce morceau, « Douce hirondelle », et c'est Marie-Noël Curtenat qui l'interprète pour Patrick, un sympathique Lorrain Méchaillant. Tu prépares tes ailes à voler loin d'ici. Quand arrive l'automne, sans boussole, sans personne, tu rassembles tes petits. Dans la brume et le vent, sur un fil d'argent, vous restez réunis. Au lever du soleil, après un arc-en-ciel, il vous faudra partir. Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, tu prépares tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil, sur le grand bateau blanc, flottant sur l'océan, tu attendras la nuit. Quand le jour reviendra, sous le soleil bleu, il te faudra choisir et laisser derrière toi les plus faibles d'entre vous qui ne pourront vous suivre. Sur les plages d'Orphée, vous arriverez enfin dans votre paradis. Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, tu prépares tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Ces mois d'hiver, on espère que la terre nous redonnera l'envie de couper les bruyères, de semer de belles graines, de placer les semis. L'hirondelle trouva-t-elle le chemin du castel qui l'attend près d'ici? Tout en haut, sous le toit, sous la poutre de bois, retrouvera-t-elle son nid? Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, tu prépares tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Toi l'oiseau du soleil, oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, tu prépares tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil. «

nous allons écouter maintenant un morceau d'accordéon. C'est René de l'EHPAD de la Croix-Rouge à Bellegarde qui m'a demandé un morceau d'accordéon la semaine dernière. Pour les aides-soignantes de l'EHPAD de la Croix-Rouge à Bellegarde, puisqu'elles sont gentilles pour leur dévouement, pour leur service, pour leur gentillesse. Alors René m'a dit, faut mettre quelque chose qui a un rapport avec les aides-soignantes. J'ai jeté, mais j'ai pas trouvé. Et après, je me suis dit, tiens, les aides-soignantes, ce sont des fées qui amènent le bonheur, qui effacent la douleur, qui réconfortent les gens. Alors René, j'ai trouvé un air d'accordéon, c'est de votre part, pour les aides-soignantes de l'EHPAD de la Croix-Rouge à Bellegarde. Merci pour leur dévouement et leur service. Et nous allons écouter la fée du Jura. La fée du Jura, et c'était pour les aides-soignantes de l'EHPAD de Musinan, de la Croix-Rouge à Bellegarde, et c'était de la part de René. Voilà, merci René de faire un petit coucou aux aides-soignantes, c'est sympathique à vous. Donc maintenant, on va continuer avec une Valentine. Et oui, une Valentine, il y a longtemps que je n'avais pas entendu cette dédicace, et cette dédicace me fait chaud au cœur.

Il y a quelques minutes, j'étais au téléphone, on m'a téléphoné au 04 50 56 01 48 et on m'a demandé un morceau d'accordéon pour Jacques Pichon, président des donneurs de sang qui va bientôt prendre sa retraite. Alors j'ai dit d'accord, alors quel morceau d'accordéon et quel accordéoniste? Alors il y avait du monde au bout du fil, on a dit non, celui-là. Puis il y en a un qui a dit, Marceau, parce qu'il a joué du Marceau dans le temps, et il cherchait la partition, il n'a pas trouvé, enfin, voilà. Alors bon, ben ma foi, on va passer un Marceau qui va nous interpréter, puisqu'on n'est pas loin, la valse savoyarde. C'est pour Jacques Pichon, président des donneurs de sang, qui va bientôt prendre sa retraite, plus de 22 ans à cette présence. Alors on va écouter Marceau Verschuren, qui va nous jouer la valse savoyarde. Merci à Jacques, de la part de ses donneurs de sang. Alors pour Jacques Pichon, nous allons écouter en lui souhaitant une bonne retraite, une valse savoyarde, et puis bien sûr qui rejoue de l'accordéon, bien sûr. Thank you.

cadence du funk au plus haut t'emmène. Le temps pour en délire, si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point. Il y a le batteur qui s'écarte et toi qui tiens le choc. Tu chantes, chantes, chantes. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Bye, bye, bye, quand tu me dis ces mots-là. Eh bien oui, bye, bye, auditrice, auditeur de Sorgia FM, on se retrouve prochainement dans une autre émission. Tu me donnes chaud. D'ici là, passez un bon dimanche, une bonne semaine, avec du soleil. Bye, bye, bye, quand tu me dis ces mots-là. Et merci d'être à l'écoute des 91 et 91 MHz de Sorgia FM. Oh, oh, oh, bye. Bonne semaine, bon dimanche et à bientôt. Bye bye.